Le Bocon, la chronique beauté de Radio Boncon. En confinement, retrouvons ensemble le temps de prendre soin de nous. La chronique beauté de Radio Boncon. Finalement, est-ce qu'on va pas tous passer le reste de notre vie avec nous-mêmes ? Bonjour à tous et bienvenue sur la radio des Boncons. Vous êtes avec Louison pour la chronique du Bocon. Car Boncon oui, mais Bocon encore plus. Alors aujourd'hui, on va se demander tout simplement quel est le bon outfit de confinement. Voilà. Alors d'abord, on va essayer de partir tous sur un même pied d'égalité et on va se demander qu'est-ce que c'est qu'un outfit. Eh bien tout simplement, un outfit, c'est le terme anglophone qui est utilisé pour définir la tenue vestimentaire. Voilà. Maintenant qu'on en est là ensemble, on va se demander qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude et bien sûr, quels sont les écueils à éviter. Alors voilà, en ce moment, pendant cette période de confinement, lorsqu'on se lève le matin et qu'on choisit sa tenue, notre critère numéro un maintenant, c'est le confort. Voilà, on va pas se mentir, on va éviter tout ce qui est trop serré, ce qui est trop moulant, les ceintures, oubliez les ceintures trop serrées peuvent être dangereuses, sachez-le. Mesdames, les soutiens-gorge, rangez-les, mettez-les au fond du placard, dans leur tiroir. Faites ce que vous voulez, mais par pitié, faites-vous ce plaisir, arrêtez de mettre des soutiens-gorge. Laissez vos seins prendre leur envol à leur tour, eux aussi. Messieurs, si vous êtes chaud, oubliez les caleçons. J'ai personnellement jamais croisé un homme aussi heureux qu'un homme dont les bourses étaient libres. Et d'ailleurs, beaucoup vous diront que c'est une question d'habitude, tout ça. Alors, on fait attention quand même, on n'est jamais à l'abri d'une visite surprise, d'un voisin en détresse ou un facteur qui se serait malencontreusement trompé de boîte aux lettres. N'oubliez pas que ce sont des choses qui peuvent arriver et il ne s'agirait pas d'être ridicule quand même. Donc, on fait attention à l'harmonie de son outfit, on ne mélange pas les pièces hivernales avec les pièces printanières, on fait attention aux couleurs. Laissons les plus audacieux d'entre nous mélanger plus de 3 couleurs, voilà. Et puis finalement, un bon outfit, c'est un outfit qui est fort. Il vous suffit d'avoir une pièce forte et puis le tour sera joué. J'entends par là un beau pyjama, un jogging qui met votre fessier en valeur, une robe très fluide, au style un peu hippie. Voilà, ça ne vous fera jamais défaut. Alors, j'ai quelques recommandations à vous donner, par pitié, il y a certaines choses qu'il va falloir éviter et puis si vous voulez continuer à éviter de les utiliser même en dehors de cette période de confinement, je vous en serai très reconnaissante. Alors on arrête les robes de chambre qui donneraient l'impression qu'on les a achetées à 5€ chez Action, on arrête le motif léopard lorsqu'il est utilisé à outrance et mal maîtrisé. Ou encore, on peut arrêter, et c'est même le plus gros point de ce paragraphe, j'ai envie de dire, on arrête les sweats à capuche Buzz l'éclair. Voilà, les résultats d'achats compulsifs lors de votre dernière visite chez Disney sont à ranger au fond du placard, s'il vous plaît. Et puis de toute façon, vous savez, Disney, c'est pas exactement comme on croit. Voilà, alors c'est aussi le moment d'oser, allez-y, faites des tests, c'est tout à fait propice, c'est le moment. Sortez les affaires que vous n'avez jamais osé sortir, enlevez les étiquettes que vous n'avez pas enlevées. Voilà, la seule limite c'est le soleil, j'ai envie de vous dire finalement. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le bon outfit de confinement. J'ai hâte de vous retrouver sur les réseaux. Écoutez, je serais ravie de pouvoir mettre un visage sur nos auditeurs et encore plus de pouvoir mettre un outfit sur ces visages. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Vous étiez avec Louison sur la radio des Boncons et à très vite. C'était le Bocon pour la radio des Boncons, la chronique beauté avec Louison. Ça fait beaucoup de honte, ça, quand même.